Kadir, quel dérape. On va la réécouter pour les gens qui ne l'ont pas encore écouté. Amir Kadir, donc, qui a appelé carrément à la fermeture de Radio Chemin. En même temps, je suis pas surpris, là. Mais sauf que ça soit dit en plein Parlement en 2013, ça saisit. On écoute. Vous venez ici, vous prônez, je sais pas d'où ce que vous sortez ça, d'éliminer des radios commerciales qui sont, qu'on partage ou non les opinions, c'est des entités légales. C'est, il y a beaucoup de gens ici qui écoutent ces stations de radio-là. Monsieur le député de Mercier. Pour rassurer mon collègue de la CAQ, je voudrais dire, attendez au moins que Québec solidaire arrive au pouvoir avant de considérer la fermeture ou pas des radios poubelles. Puis je vous promets qu'on va organiser une audience publique et une participation, une réflexion collective sur comment certaines radios abusent de leurs droits de diffusion et alimentent le mensonge et la désinformation. Il nous promet ça, lui. C'est terrible. C'est terrible. Comment tu réagis face à ça? Le mensonge et la désinformation, c'est incroyable. Ah, il reste... il y a qu'à nous envoyer l'armée maintenant, là. Des soldats avec un petit béret sur la tête avec une étoile, là, puis pour nous fermer, puis prendre le contrôle des ondes, vous nous museler. Parce que là, ça n'a plus de bon sens. Qu'on a la radio d'opinion qui se plaise à appeler radio poubelle, mais c'est de la radio d'opinion. Amir Kadir, hey, c'est un démocrate. Nous sommes encore en démocratie, à ce que je sache ce lui matin. Lui était élu, là. C'est oh, il était élu. Ouais. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. C'est dangereux, pardon. Heureusement, je vais toucher du bois, puis je vais prier fort. Ils auront jamais le pouvoir. Une audience publique. Ça a plus de bon sens. Ça a plus de bon sens. On se croirait, tu le disais tantôt, là, c'est stalinien. C'est stalinien. À ça, là. Ils vont, on va les convoquer en audience, puis on va tribunal populaire. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est l'image que j'ai en tête. Puis on va leur enlever leur licence parce que l'audience publique. C'est à la limite de l'inquisition. La limite, c'est inquisitoire. Parce qu'on dit des mensonges. Ah ouais, ben c'est sûr des mensonges. Mais c'est drôle, les codes d'écoute sont là, fait que le monde aime ça entendre des mensonges. Faut croire, ça a pas de bon sens. Ça c'est un statement également contre les gens, contre la population, parce que, bon, les sondages ont été publiés la semaine passée, 311 000 personnes écoutent Radio X, juste à Québec. Donc, les gens écoutent cette antenne-là, donc ce sont tous des caves. Aux yeux d'Amir Kadir, ce sont tous des imbéciles, puis on devrait fermer cette antenne-là. Ça n'a pas de bon sens. Effectivement, je me demande si vraiment c'est un démocrate, je le répète. Ils veulent museler l'opinion publique, ils veulent museler les gens qui n'ont pas la même opinion qu'eux. C'est du totalitarisme à la limite là. Alors il est en train, moi la lecture que je fais de ça là, c'est que si un jour on a un gouvernement de Québec solidaire là, on va se retrouver dans un système totalitaire. C'est la lecture que je fais de ça. Ben, c'est ce qu'il dit. On veut pas le dire et eux détestent qu'on le dise. Mais lui vient de le dire. Ouais. On peut-tu le dire? Ben oui. Ouais, mais on est au Canada. C'est un pays libre. On a la liberté d'opinion, la liberté de penser. On a le droit de dire ce qu'on veut tant qu'on va pas trop loin. Alors, moi, c'est une atteinte à la liberté, carrément. Carrément. Parlant d'atteinte à la liberté, cette semaine, il y en a eu une bonne. Faut revenir là-dessus. Beaucoup de chroniqueurs s'intéressent à ça. Hier, on a fait une bonne partie.